Chapitre 20. Gudrun sauvée des eaux. Gudrun Arföt. Après que Gudrun eut tué Atli, elle se dirigea vers la mer. Elle se jeta dans la mer pour sauter la vie, mais elle surnagea. Les flots la portèrent au-delà du détroit, au pays du roi Yonakur, qui la prit pour épouse. Ses fils furent Zörli, Erp et Hamdir. Elle éleva auprès d'elle Svanhild, la fille de Sigurd, qui fut donnée en mariage au puissant roi Jörmunrek. Jörmunrek est le roi goth Hermanarex ou Hermanric. Ce chant-ci, plus récent que les précédents, a pour but de relier la saga franque des Niflungen à la saga gothique. Nous le donnons encore ici parce que Gudrun rappelle les principaux événements de sa vie et résume les épisodes de la saga de Sigurd. Près de lui était Biki. Biki conseilla à Randver, fils du roi, d'épouser Svanhild, puis il révéla ce projet au roi. Celui-ci fit pendre Randver et écraser Svanhild par des chevaux. Quand Gudrun apprit cela, elle parla à ses fils. Jamais on n'entendit parole aussi amère, inspirée par une mortelle douleur, que celle qu'adressa la vindicative Gudrun à ses fils pour les exciter à la vengeance. « Quoi ? Vous êtes assis là paisiblement ? Votre vie va-t-elle donc se passer à dormir ? Comment un joyeux entretien peut-il encore vous charmer après que Jörmunrek a fait écraser cette belle jeune fille, votre sœur, sur le grand chemin par des chevaux goths blancs, noirs et gris, coursiers aux allures rapides ? Vous ne ressemblez guère à Gunnar et à sa race. Vous n'avez point le cœur vaillant qu'avait Högni. Vous n'hésiteriez pas à la venger si vous aviez autant de courage que mes frères jadis, que ces chefs hein, à l'âme intrépide. » Hamdir, au cœur fier, lui répondit. « Tu étais moins disposé à vanter Högni quand il tira Sigurd de son sommeil. Les draps de ton lit, si blancs et si bien tissés, étaient rougis du sang de ton époux et tout couverts des traces du meurtre. Tu t'es trop hâté de venger tes frères en égorgeant tes fils d'une âme cruelle. Nous pourrons bien venger sur Jörmunrek la mort de notre sœur si nous restons unis. Mais puisque tu nous excites au combat, va nous chercher les armes des rois huns. » Comme Gudrun se rendit joyeusement à la salle d'armes pour y choisir des haumes dignes d'un roi et de fortes cottes de mailles qu'elle apporta à ses fils, ces braves guerriers montèrent sur leurs coursiers. Hamdir, au cœur vaillant, prit la parole. « Nous succomberons parmi les goths et nous ne reviendrons plus pour voir notre mère avant que tu prépares le festin des funérailles, en même temps pour Svanhild et pour tes fils. » Gudrun, la fille de Gjuki, alla s'asseoir à l'écart accablée de tristesse. La malheureuse femme rappelait toutes les infortunes de ceux qu'elle avait aimés. « J'ai eu 3 maisons, j'ai eu 3 foyers, j'ai été conduite dans la demeure de 3 époux. Sigurd est celui que j'ai le plus aimé et mes frères l'ont tué. Je ne puis assez pleurer mon malheur. Mais ces chefs m'affligèrent encore plus quand ils m'accordèrent à Atli. J'attirai près de moi mes courageux enfants. Rien ne pouvait adoucir ma peine avant que j'eusse coupé la tête de ces jeunes Niflungen. Ces jeunes Niflungen sont les enfants qu'elle avait eus d'Atli et qu'elle tua pour venger le meurtre de ses frères. Je me dirigeais vers le rivage. J'étais irritée contre les Nornes qui président à la vie. Je voulais échapper à la haine et finir mon existence dans les flots. Mais les vagues ne m'engloutirent pas. Elles me portèrent et j'abordais à la rive pour vivre encore longtemps. Pour la 3e fois, épouse d'un roi, j'espérais un sort meilleur. J'eus des enfants. Pour défendre mon héritage, j'eus des fils de Jonakur. Des vierges étaient assises à l'entour de Svanhild. Parmi mes enfants, je n'en aimais aucun aussi tendrement qu'elle. Svanhild était dans mes appartements comme un rayon de soleil qui réjouit les sens. Je la parais d'ornements d'or et de beaux vêtements avant de la donner aux goths. Oh, j'ai éprouvé la plus affreuse douleur quand des chevaux fougueux ont foulé aux pieds dans la poussière les belles boucles blondes de Svanhild. Ce qui m'a été le plus dur, c'est quand ils tuèrent Sigurd victorieux sur ma couche, et ce qui m'a été le plus amer, c'est quand des serpents venimeux rongèrent le cœur de Gunnar. Mais ce qui m'a fait éprouver la plus vive douleur, c'est quand ils ouvrirent la poitrine de Högni, lui vivant. Toutes ces douleurs, tous ces malheurs me reviennent à l'esprit. N'attends pas plus longtemps, Sigurd. Conduis ici le noir coursier du sombre royaume. Plus jamais ne reviendra ici ma fille à qui je donnais des parures d'or. Rappelle-toi, Sigurd, nos entretiens quand nous restions assis sur notre couche. Ô vaillant, viens ici du fond des demeures de Hel pour me prendre avec toi. Et vous, noble Jarl, dressez sous le ciel un grand bûcher de tronc de chêne, que la flamme consume ma poitrine accablée d'affliction, que le feu anéantisse ce cœur que la souffrance accable. Les hommes sentiront leur âme s'adoucir, et les femmes leur peine diminuer quand ils entendront jusqu'à la fin le chant de mes douleurs. Nous ne donnons pas ici le chant de Hamdir, Hamdismal, le dernier des chants héroïques de l'Edda, parce qu'il se rapporte à la saga gothique d'Hermanric et non à la saga franque de Sigurd.